vous mes amis, tant de fois vous me dites que d'ici peu je ne serai plus triste. J'aimerais bien vous croire un jour, mais j'en doute avec raison. Essayez de répondre à ma question. Alors si vous pouvez, dites-le-moi. Qui sera, qui sera, qui sera, qui sera me faire vivre d'autre joie. Je n'avais qu'elle sur terre et sans elle ma vie entière. Je sais bien que le bonheur n'existe pas. Mes amis, le soleil vous inonde. Vous dites que je sortirai de l'ombre. J'aimerais bien vous croire, oui, mais mon cœur y renonce. Ma question reste toujours sans réponse. Qui sera, qui sera, qui sera? C'est bien que le bonheur n'existe pas.